De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, c'est la nouvelle chronique que nous propose Noémie depuis quelques temps. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Et tu nous as parlé déjà un peu des émotions. On va continuer aujourd'hui, on va revenir un peu sur ces notions, on va récapituler un peu entre réaction involontaire et tout ça. Ouais, je voulais vous faire un petit résumé et rajouter quelques caractéristiques bien propres aux émotions. C'est une réaction involontaire, nécessaire à la survie, et il y a aussi d'autres choses un petit peu importantes à savoir. On a déjà parlé du fait que je préfère en parler d'émotions agréables ou désagréables, et je vous invite à les penser comme ça, plutôt que positives ou négatives, puisqu'on a vu qu'elles sont toutes nécessaires à la survie, donc avoir le plus possible un regard positif aux émotions, même si c'est désagréable. Et ces émotions, donc, elles dépendent aussi de ce que l'on vit au quotidien. Oui, du contexte. Ça, c'est une deuxième caractéristique, c'est-à-dire qu'un Noël, par exemple, une année, on peut être joyeux, et l'autre, si on a eu un décès récemment dans la famille, eh bien, on ne va pas le vivre pareil. Donc, c'est normal que le contexte joue sur nos émotions. Ni juger forcément celle des autres, parce qu'à une situation égale, on peut vivre des émotions différentes. Tout à fait. Donc, troisième caractéristique, les émotions nous appartiennent. Elles sont liées à notre histoire, notre éducation, nos blessures. Donc, si toi et moi, on se retrouve dans la même situation, par exemple, au deuxième étage de la Tour Eiffel, toi, tu vas peut-être être super joyeux de voir une magnifique vue, et moi, je vais peut-être être en panique parce que je me sens pas bien en hauteur. Et donc, tout ça, ça nous appartient et c'est pas jugeable. Il y a aussi le fait que les émotions, elles peuvent cohabiter. Ouais. On peut être à la fois en colère, triste, joyeux, au même moment. Et ça, on se l'autorise pas toujours à se le dire. Le jour d'un déménagement, le matin, tu peux être à la fois super stimulé parce que tu as envie d'aller dans cette maison que tu as achetée, mais triste de quitter le quartier, être angoissé parce que c'est la nouveauté et que tu sais pas comment ça va se passer. Tu peux être aussi en colère parce que les déménageurs sont pas encore arrivés. Mmh. On peut avoir toutes ces émotions en même temps qui cohabitent. Des émotions qui cohabitent, mais qui ne sont pas forcément exprimées. Toujours, parfois, on les refoule, ces émotions, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Oui, alors je vous invite tous à vous demander si vous vous autorisez à ressentir toutes les familles d'émotions, parce que bien souvent, on a des émotions interdites en nous et des émotions un peu obligatoires. Par exemple, on peut s'obliger à avoir toujours la positive attitude, et en réalité, on peut refouler des tristesses, des rancœurs, etc. Donc c'est vrai que c'est super d'utiliser son cerveau pour voir la partie le verre plein, mais il faut être vigilant. Hein. Est-ce que je ne suis pas en train de m'interdire de ressentir de la tristesse, etc. Et des émotions interdites, comme souvent dans l'éducation, il arrive bien souvent que les petits garçons, on leur dise que ça ne sert à rien de pleurer ou qu'il n'a pas besoin d'avoir peur, sinon c'est une mauviette. Alors là, le message, c'est que je n'ai pas le droit d'exprimer, je n'ai pas le droit de ressentir la peur et ça va nous conditionner. Alors qu'en fait, c'est super utile. Donc, si chacun de nous prend le temps de vérifier comment il sent avec chacune des émotions, on pourrait être déjà un rapport plus équilibré avec elles et mieux les écouter et en tirer quelque chose. Et ces émotions, parfois, elles entraînent vers des choses qu'on ne veut pas. La violence, par exemple, tout ça. Donc, c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on les refoule, c'est qu'elles peuvent nous faire peur, notamment celle de la colère. Mmh. Et la colère, en fait, ça n'est pas la violence. La colère, c'est exprimer un désaccord pour poser ses limites. Mais en fait, à partir du moment où mes actes et mes paroles ne blessent pas quelqu'un, ni moi, ni quelqu'un d'autre, c'est OK de ressentir la colère. Ça ne justifie pas la violence. Merci Noémie, on parlera encore émotion la prochaine fois. Oui, encore une fois. À très vite. Au revoir. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.